écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Grande est ma joie, amis téléspectateurs de la Glorie Éclatante et particulièrement de votre émission Une vie, une expérience, de vous retrouver ce jour pour une nouvelle édition, édition particulière, car ce témoignage que mon invité a accepté de partager avec vous, c'est un témoignage époustouflant, c'est un témoignage dont je n'arrive pas, moi, à mon niveau, à avoir les adjectifs pour qualifier la grandeur, l'émotion que suscite un tel témoignage. Je suis avec le frère Alphonse, celui-là même qui a choisi votre chaîne Glory Christ Channel et particulièrement votre émission Une vie, une expérience pour partager son témoignage. Mais avant de l'accueillir, je vous rappelle que Une vie, une expérience, c'est cette émission au cours de laquelle on partage le témoignage, le vécu de notre invité, ce par quoi il est passé et comment le Seigneur a fait pour le délivrer de cette situation. Permettez-moi d'accueillir mon invité, le frère Alphonse, à qui j'adresse une chaleureuse bienvenue. Bienvenue, frère Alphonse. Merci, bien-aimé Régiste. Il faut rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs que tu as sollicité la chapelle de la gloire de Christ pour partager ton témoignage. Tu as sollicité les locaux, l'enceinte de la chapelle de la gloire de Christ pour partager ton témoignage. Un témoignage puissant, un témoignage tel que les téléspectateurs n'en ont jamais vu, n'en ont jamais entendu. Donc, frère Alphonse, si tu es prêt, nous allons faire tomber le voile. Parce que la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse 12, au verset 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Je suis convaincu qu'après ce témoignage, qui sera une thérapie pour toi, une thérapie au-delà d'être spirituelle, sera une thérapie émotionnelle, une thérapie physique qui va définitivement sceller le divorce entre ton ancienne vie et la vie de né de nouveau, la vie de chrétien que tu as embrasé aujourd'hui, dès à présent, sur le plateau de Une vie, une expérience. Alors, chers téléspectateurs, sans toutefois vous perdre du temps, je vous permets de prendre une courte page de transition et on se retrouve tout juste derrière pour découvrir le visage de celui-là même qui a accepté votre émission Une vie, une expérience pour partager son témoignage. La suite, tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission Une vie, une expérience et je suis bien dans l'enceinte de la chapelle de la gloire de Christ. Alors frère Alphonse, es-tu prêt à faire tomber le voile? Je suis prêt, bien-aimé Régiste. Es-tu prêt à ce que les téléspectateurs découvrent ton visage? Je suis prêt. Es-tu prêt à braver les regards? Je suis prêt, bien-aimé. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié, frère Alphonse, je vais te permettre de te retourner afin de permettre à nos téléspectateurs de découvrir qui es-tu. Vous l'avez deviné, c'est bien ce frère, jeune, mignon, garçon, qui a accepté votre émission Une vie, une expérience pour partager son témoignage. Alors frère Alphonse, avant que nous entrons en plein pied dans ton témoignage, je vais te permettre de te présenter à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Salut, moi c'est Alphonse. Alphonse, c'est originaire d'où? Alphonse, originaire de l'extrême nord, oui. Alphonse Abassi. Et je suis ici à la chapelle de la gloire de Christ pour le témoignage, pour mon témoignage, ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je suis là pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous osons croire qu'après ce témoignage, une personne qui traverse certainement cette situation, une situation similaire, sera encouragée, sera motivée à abandonner cette vie de pécheur, cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Alors frère Alphonse, nous allons entrer en plein pied dans ton témoignage. Merci, bien-aimé, Registre. Moi, je suis le frère Alphonse, un jeune homme âgé de 27 ans aujourd'hui. Alors mon témoignage est un peu touchant. Donc je me suis décidé de me libérer. Je me suis décidé de me dévoiler. Et il faut rappeler que ce n'est pas par ses propres forces que le frère Alphonse a accepté de se dévoiler. Parce que, chers téléspectateurs, il faut le rappeler, quand il est arrivé, il ne souhaitait pas que son visage soit découvert. Mais c'est le Seigneur qui l'a poussé à le faire, à lui dire, « Mon fils, tu veux te changer, tu veux te délivrer, alors accepte de faire tomber le voile en faisant que les téléspectateurs de la Glorica Channel puissent te voir. » Frère Alphonse, nous commençons donc ton témoignage. Ça fait de cela 5 ans que je suis dans le péché, bien précisé, dans le péché homosexualité, je peux le dire. Le frère Alphonse, pardonnez son émotion, ce n'est pas facile de s'adresser à de nombreux téléspectateurs, mais il a accepté de braver le regard, il a accepté de braver la honte pour partager son témoignage. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Frère Alphonse, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu entres dans l'homosexualité? Merci pour cette question. D'abord, pour commencer, je ne vais pas dire que je suis entré, mais c'est quelque chose que je ressentais déjà en moi depuis ma naissance, en fait. Donc, à l'âge de la puberté, je ne me sentais pas attiré par les femmes. Et voilà, jusqu'à l'âge de 17 ans, 20 ans. Alors, sans te couper, tu voudrais dire à nos téléspectateurs que tu es venu au monde avec cette carence, cette défaillance. Parce qu'il faut le dire, Dieu ne crée personne avec de tels états. C'est peut-être les péchés de nos parents, de nos grands-parents qui se répercutent dans nos vies. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Tu es venu au monde ainsi. Et en grandissant, tu avais des tendances homosexuelles naturelles. Tu n'es pas entré dans l'homosexualité parce que tu cherchais de l'argent. Tu n'es pas entré dans l'homosexualité parce que tu étais à la recherche de la vie facile. Mais on peut le dire entre guillemets, ça a été naturel. Tu es né comme ça, c'était une défaillance. Oui. Et tu l'as constaté en grandissant. Déjà, en grandissant, étais-tu efféminé? Oui, mais pas trop, mais j'étais efféminé. Il y avait certains qui me suspectaient déjà par ma manière de faire. J'avais plus des amis filles et même mes sœurs étaient trop attachées à moi, mes voisines, tout. Et je faisais presque tout avec les filles. Oui, aller chercher de l'eau, du bois au village. Même jusqu'au lycée, quand je suis parti, j'avais toujours ce comportement efféminé en fait, en moi. Et il y avait des injures, des menaces, tout ça que les gens lançaient, mais ça ne me disait rien parce que je ne savais pas exactement ce qui était en moi, en fait. Donc, tu étais inconscient, en fait, de ton état. Justement, j'étais inconscient. Et ça a commencé à se manifester comment? Quand tu as été conscient de cela, est-ce que tu n'as pas essayé de remédier à cette situation où tu t'es laissé aller? Bon, après ça, après le village, je suis monté en ville ici à Yaoundé. Donc, par le comportement, sûrement, tu sais, il y a aussi des gens qui sont aussi comme ça, qui sont aussi attirés par les hommes, en fait. Oui. Voilà. Donc, il y a un homme qui a été aussi attiré par moi. Là, c'est quand tu es arrivé à Yaoundé. Quand je suis arrivé à Yaoundé, justement. Oui. Parce qu'au village, j'étais inconscient, je ne savais pas ce que je faisais. Mais quand je suis arrivé à Yaoundé, que je suis devenu conscient de ce qui était en moi. Oui. Oui. Alors, lorsque tu arrives à Yaoundé, tu es dans une société plus ouverte. Parce qu'à l'extrême nord, partie septentrionale de notre pays, le Cameroun, notre cher et beau pays, c'est assez conservateur. Mais quand tu arrives à Yaoundé, tu t'es senti un peu plus libre, un peu plus ouvert. Et chemin faisant, tu as eu à faire des rencontres. Lorsque nous étions en offre, tu m'as soufflé que tu as eu un premier employeur, oui, une première dame chez qui tu travailles. Et c'est de là que tout est parti. Oui. Alors, avec ta permission, partageons donc ce témoignage. Parce que c'est là où tout commence. Ah, ok. Merci, bien-aimé Régis. Il y avait une dame qui m'avait recruté pour travailler chez lui. Chez elle. Chez elle, autant pour moi. Et il faut rappeler que c'est une âme pasteur. Oui, c'est une âme pasteur. Donc, il y a aussi son fils qui est à la maison. À chaque fois quand la dame voyage, son fils me demandait de rester avec... Vous restez à deux à la maison. Oui, de rester deux à la maison, puisque c'était une grande maison, une villa. Donc, elle me disait, sous prétexte que... Il a peur de rester seul à la maison. Dans une grande villa, une dame pasteur qui avait des enfants et particulièrement un fils qui était avec toi à la maison. Avec moi à la maison, justement. Et lorsque cette dame pasteur voyageait, son fils te demandait de rester à la maison avec lui. Oui, justement, il me demandait de rester à la maison avec lui. Et bon, moi, je n'avais pas de problème. De problème, oui. Je me suis dit que bon, il a peut-être besoin de mon service ou quoi. Peut-être il y a des moments qu'il faut que je l'aide dans la nuit à chauffer de l'eau, je ne sais pas quoi trop. Mais lui, il avait des arrière-pensées. Et de reste, il avait quelque chose. Oui, sans te couper, hein, ce fils-là, à cette période, il était ton aîné ou vous aviez à peu près la même tranche d'âge? Non, il est mon aîné. Puisque lui, à l'époque, moi, j'avais 24 ans. Oui. Oui, lui, il était à 30 ans, 35 ans. D'accord. Donc, il était mon aîné. D'accord. Oui. Alors, sa maman, pasteur, oui, voyageait, elle vous laissait à la maison à deux. Justement. La suite. Il m'a avancé des mots, qu'il est attiré par mon caractère, que il m'aime beaucoup, il m'apprécie beaucoup. Et bon, moi, je le remercie, je dis bon, merci beaucoup. Après, quand la nuit toi, arrive... Toi, c'était sans intention, tu disais simplement oui, merci. Justement. C'était des propos aimables, pour toi, c'était des propos aimables. Justement, c'était ça. Quand la nuit arrive, il me demande d'aller dormir dans sa chambre, mais... Déjà que dans ma tradition, il est strictement interdit que deux hommes dorment sur une chambre. Dans la tradition chrétienne aussi, c'est une aberration. Voilà, c'est cette habitude que moi j'avais pris parce que chez nous, quand tu as déjà l'âge de 10 ans, tu as ta chambre à part. Donc, moi, je n'avais pas de... quand il m'avait dit ça... Tu ne concevais pas cela. Justement. Et puis, il faut rappeler que tu n'avais pas... Tu avais certes des tendances homosexuelles, mais tu n'avais pas encore expérimenté l'homosexualité. Justement, bien-aimé Régis, je n'avais pas encore expérimenté. Et il me disait des mots que je ne comprenais pas, en fait. Que je le plais, voilà, des choses, tant de choses. Donc, quand la nuit arrive, il m'avançait des mots. Bon, je lui ai dit que non, mais comment ça, c'est là, ça, moi je ne peux pas faire comme ça parce que je n'ai jamais fait ça. Ça ne passe pas. Oui. Bien que vous ayez des tendances homosexuelles, c'était inconcevable pour oui, vous oui. qu'un homme vous dise qu'il vous aime. Oui, oui, oui, c'était pour moi, je trouvais ça comme... une aberration. Oui, oui, justement, merci pour le mot. Il continuait toujours, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc, je me suis laissé faire, en fait. Oui. Donc, juste après ça, on continuait 3 jours. Un instant. Oui. Avant que tu ne dises que tu te sois laissé faire, oui. il t'a fait des avances une fois, deux fois, oui, trois fois. Au départ, il t'a invité à aller dormir avec lui dans sa chambre. Oui, mais... Tu refusais. Oui, j'ai refusé. Et par la suite, tu t'es laissé aller. Tu n'en pouvais plus. Oui, oui. Mais lorsque nous étions en offre, tu m'as dit que ce fils de pasteur, il faut le rappeler, c'est oui. le fils d'un pasteur, d'un pasteur qui était ton employeur. Oui. Comment ce fils de pasteur, déjà, il avait des copines, tu m'as dit qu'il vivait dans la fornication. Oui, oui. Mais en même temps, il était attiré par des hommes. C'est un peu paradoxal. Oui, oui, monsieur bien-aimé, pour ne pas vous couper la parole, oui. dans le monde homosexuel, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on dit les bisexuels, ça veut dire que quand tu aimes les hommes et les femmes, deux à la fois, on dit que tu es bisexuel. Bisexuel oui. Donc, il doit être, pas qu'il doit être, mais lui, il était bisexuel. Oui. Par contre, il y a certains qui étaient seulement des actifs et des passifs. Oui. Ouais, ça veut dire que ceux qui sont des actifs et des passifs qui sont seulement avec les hommes entre eux, qui n'ont pas. Qui sont, donc, entre les homosexuels pas, purs, oui. il y a la catégorie qu'on appelle les homosexuels actifs. Oui. Eux, ce sont lesquels? Les actifs, je dirais les actifs, ce sont ceux-là qui jouent le rôle d'homme. L'homosexuel passif, c'est celui qui joue le rôle de la femme. Voilà. D'accord. Merci pour cette clarification. Chers téléspectateurs, comme je vous l'ai annoncé, c'est un témoignage pathétique, c'est un témoignage émouvant, mais notre invité a accepté de braver la honte, de braver les regards, afin que le Seigneur lui accorde cette libération pour la seule gloire de son nom. Alors, ce fils de pasteur était bisexuel. Oui, il était bisexuel. Mais sa mère étant pasteur, est-ce qu'elle ne le savait pas? Là, je n'ai aucune idée, bien aimé, je n'ai aucune idée. Mais puisque je ne causais pas profondément avec sa avec mère. Sa maman. Oui, avec mais sa pendant, maman. Il ramenait des filles à la maison. Oui, mais pendant que sa maman pasteur voyait son fils ramener des filles à la maison et que ce fils avait des intimités avec ses femmes, des rapports intimes avec ses femmes. Oui. C'est la fornication. Mais comment un pasteur, une dame pasteur, peut accepter que de telles abominations se passent dans sa maison? C'est assez paradoxal. D'ailleurs, c'est une grande maison. Il y a des fois qu'elle passe avec les filles en cachette. Mm-hmm. Oui, puisque la mère, elle a son salon à part sa chambre. Donc, il y a des couloirs là où même si 1000 personnes passent là-bas, tu ne peux pas imaginer. Et puisque elle n'était pas au pays. Elle n'était pas régulière au pays. Oui, elle n'était pas régulière au pays. Même pendant tout ce temps qu'on a passé ensemble, et la maman, elle n'était pas dans la maison. Elle n'était pas au pays. Mm-hmm. Voilà. Donc la maison, et le père ne venait pas, puisque le père n'habite pas là-bas. Elle était divorcée, la dame pasteur? Ils étaient les parents séparés? Oui, séparés, d'accord. Mais pas divorcés officiellement, mais ils étaient séparés en fait. Donc voilà, la maison était déjà devenue, puisque je n'arrivais même plus à me concentrer dans mon boulot. Or, j'étais parti là-bas dans le cadre de travail. Oui. Là, quel genre de travail? Domestique, homme de main, homme de course? Oui, je faisais presque tout. Presque tout, oui. Presque tout. Je faisais presque tout dans la maison, les courses et consorts. Donc, c'était moi, donc, l'homme de la maison, qui gérait tout à la maison, en fait. Mm-hmm. Puisqu'il n'y avait aucun enfant pour nous donner le coup de main. Donc, ça a été un peu dur comme ça pour moi. Voilà. Et donc, avec la maman pasteur, tu m'as dit lorsqu'on était en offre que c'était pas. Elle te proposait d'aller dans son église et tu n'étais pas très d'accord. Oui, très d'accord. Donc, la dame a eu à me convaincre que je peux toujours découvrir ce que son église... Son fils vous a proposé de découvrir, elle vous a aussi dit de découvrir. Bon, je ne vais pas refuser. C'est deux fois, il faut aussi obéir à tes aînés. Mm-hmm. Et je suis allé dans son église une, deux fois, trois fois toujours. J'ai toujours pris goût, vu sa manière de... D'enseigner, oui, la prédication, tout. J'ai pris goût et je partais constamment dans son église. Et après ça, il a encore fait un deuxième voyage pour l'Europe. La dame? Oui, la dame. C'est à ce moment que j'ai eu un moment de récréation avec son fils. Oui. Oui. Puisque quand je partais à l'église, sa prédication, elle parlait des choses lourdes, en fait. Oui. Elle parlait des choses lourdes. Donc, je me suis retenu et dit que non, le péché, tout ça, c'est contre. Elle parlait quand même du péché. Oui, elle parlait du péché. Elle parlait du péché. Tu sais, quand tu es un homme de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui en toi t'inspire, en fait. Oui. Peu importe ce que tu fais, mais du moment que tu es serein de ce que tu fais, l'Esprit Saint aussi avec toi. Oui. Elle parlait de choses de lourdes. Bon, c'est là que j'ai pris un moment de récréation. À chaque fois, quand son fils m'invitait à aller dans les boîtes de nuit, bon, je disais que non, je ne peux pas. Bon, d'accord. Sans te couper, il y a eu l'expérience avec son fils. En dehors de son fils, il y a eu d'autres expériences. Oui. En dehors de son fils. Partageons ces expériences. Oui, en dehors de son fils, il y a eu d'autres expériences. Son fils était le premier. Oui, c'était le premier. Et après ça, il m'a mis en contact avec ses avec ses amis qui sont ici. Et ses amis m'invitaient aussi dans le milieu homosexuel. C'était dans des boîtes de nuit, dans des coins. Oui, c'est pas parce que les gens les cachent. Il y a beaucoup de coins homosexuels ici au pays. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup de coins. Tu sais ce qui est marrant dans tout ça? Quand tu sors avec la personne deux, trois fois, exactement, il passe ton contact à une autre personne. Ça veut dire que si tu n'es pas sage, même 1000 personnes peuvent passer sur toi. Et c'est très mauvais. Et 1000 personnes qui se connaissent, qui sont toutes amies. Qui se connaissent, oui, puisque c'est le numéro qui sont en train de circuler. Parce qu'il est arrivé à un moment que j'ai cassé la puce. Bon, ça, c'est vers la fin de mon témoignage. Nous allons arriver à ce niveau. Ça veut dire qu'il passe de numéro de contact en contact. Dès que la personne t'utilise deux, trois fois, il passe de numéro à une autre personne. Et l'autre personne t'écrit encore. Tu demandes que toi, c'est qui? Il te dit, moi, c'est telle personne. Est-ce que je peux te rencontrer? Il te propose, vous pouvez aller au café, vous pouvez prendre un pot. Et là, vous commencez à causer. Et tu vois, comme le monde est rempli de mauvaises choses. Et tu es là, tu ne travailles pas, tu as de l'argent, tu es véhiculé, tout ça. Donc, tu étais devenu comme une orage quand j'étais après avoir sucé, c'est bien ça? Oui, c'était ça. Mais... Et tu m'as dit qu'il y a plusieurs coins dans cette ville de Yaoundé qui sont sous le dictat des homosexuels. Oui. Pour ne pas heurter la sensibilité, pour ne pas créer de problème à qui que ce soit, nous n'allons pas donner les noms de ces coins, mais aide les téléspectateurs, par exemple, dans quel quartier, indique un peu, je ne sais pas moi. Il y a des coins ici, comme tout à l'heure, comme je venais de dire, ici à Yaoundé. Déjà à Essos, et Bastos. Essos à quel niveau? À Essos, juste à la mobile, Essos. Au niveau de la mobile Essos? Au niveau de la mobile Essos, tu montes un peu, et en face du collège Mongo Betty, il y a juste, c'est ça, ça c'est un coin. Oui, c'est un coin là-bas, c'est un coin. Tu y allais? Oui, j'allais là-bas constamment, disons, chaque samedi, chaque week-end ou quoi. Oui. Donc, et avec le temps, c'est devenu pour les petits. Oui. Parce que moi, je n'étais plus à ce niveau-là. Oui, c'était déjà les gamins. Oui, tu étais déjà avec vraiment des personnalités. Oui, si quand j'arrivais là-bas, je voyais comment il y a trop de petits-enfants. Tu as augmenté de grade, si justement. On peut le dire. Et pour ne pas vous couper la parole, bien-aimé, à chaque fois quand moi, je partais là-bas le week-end, tu sais, il y avait des policiers qui passent là-bas pour prendre de l'argent. Oui, puisque c'est comme un business. Étant donné que c'est interdit par la loi, oui, mais il y a des policiers qui partaient prendre de l'argent aux propriétés. Mm-hmm. Oui, ils partaient constamment à minuit, une heure. Dès que la police gare la voiture, on l'appelle, ils prenaient de l'argent. Et pourtant, le délégué général de la sécurité nationale effectue un travail prodigieux, un travail magnifique. Il y a de la sécurité à Yaoundé, mais il y a des brebis galeuses toujours dans le corps, dans ce corps, effectivement, qui savent que l'homosexualité est réprimée par le code pénal camerounais, mais qui le font. Et des responsables de la sécurité vont dans ces endroits pour prendre des pots de vin. Oui. Ce sont des brebis galeuses. Et monsieur le délégué général à la sécurité nationale, je vous prie de bien vouloir regarder de ce côté-là. Je vous le demande en toute humilité. Alors, tu as augmenté de grade. Hein. C'était Essos. Après, il y a quel autre point? Après Essos, après Cansonnel aussi. Oui. Cansonnel aussi. Et Avenue Germain. Dans tous ces coins-là. Ça, c'est du côté des sources. Oui, il y a un autre coin dans la ville de Yaoundé. Oui, même à Bastos. Niveau à Bastos? À Bastos, derrière le laboratoire Meka. Je crois qu'il y a aussi un coin là-bas. Si j'ai encore, bien sûr que ça fait un bien point. Sûr, bien je sûr, suis bien plus sûr. Allé là-bas, mm-hmm. Mais je suis sûr et certain que ça existe encore. Mm-hmm. Et même encore en face d'Istanbul, Bastos. Oui. Oui, juste il y a un petit bar à l'étage. Là, je vois vraiment des anciens visages ou quoi. Oui. Donc, je suis sûr et certain qu'ils ont aussi transformé ces bars-là. La preuve en est que j'ai des anciens amis qui ont déjà eu à m'inviter là-bas. Mm-hmm. Donc, mais toi, tu ne vas plus là-bas. Et ça, ce sera dans le cadre de la deuxième partie de notre témoignage. Et il y avait même qu'est-ce que je peux dire, des grandes personnes qui me faisaient la cour ou quoi. Les messages qu'on sort, les retrouvailles dans leur voiture et aller dans les lieux isolés, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un détail. D'accord. Donc il y a encore des coins à Yaoundé. Et je sais, j'ai confiance à la police nationale camerounaise. Donc tous ces coins seront exterminés parce que c'est une pratique qui est interdite par le code pénal camerounais. Alors frère, avec du recul aujourd'hui, tu n'as pas des craintes de dévoiler ces choses? Tu n'as plus de crainte de dévoiler ces choses? Je dirais non. Je n'ai plus de crainte. Et pour ne pas vous couper la parole, n'est-ce pas, bien-aimé Régis, et dans le SNAC qui est à Essos, il y avait des policiers, il y avait des hommes en tenue qui partaient avec leur tenue, pas en civil, mais en tenue, dans ces lieux. Tu vois combien de fois nous sommes en train de Il y a des personnes qui nous conduisent à la dérive. Eh oui. Bien sûr, ça c'est clair. Mais le Seigneur est assis sur le trône, le Seigneur est au contrôle, frère. Amen. Tu as encore quelque chose à dire avant qu'on entre dans la deuxième partie de notre émission? Je crois que c'est bon pour la première partie. Pour la première partie, c'est bon, mais cette expérience a duré combien de temps? Cette expérience a duré pendant, je dirais, 5 à 6 ans. Vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, cette expérience dans le monde occulte de l'homosexualité a duré 5 à 6 ans. Oui, notre frère est un ancien homosexuel. Dans la seconde partie de notre émission, nous allons partager son expérience. Comment il a fait pour sortir? Comment il a fait pour prendre la décision? Qu'est-ce qui l'a amené à prendre la décision de sortir de ce monde de l'homosexualité? C'est dans la suite de notre entretien et c'est tout de suite. Sur le plateau de votre émission Une vie, une expérience, et nous sommes à l'enceinte de la chapelle de la gloire de Christ, ce lieu qu'a choisi notre invité, le frère Alphonse, pour partager son expérience. Si vous nous prenez en cours, c'est bien votre émission Une vie, une expérience. Et si vous aussi vous avez une expérience, vous avez un témoignage à vouloir partager avec nous, à vouloir partager avec nos téléspectateurs, il vous suffit tout juste de prendre votre téléphone et d'envoyer un message ou un appel téléphonique au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Alors, frère Alphonse, c'est donc la deuxième partie de notre émission. Nous avons déjà commencé à faire honte aux diables. Alors, comment est-ce que tu arrives à prendre la décision? Qu'est-ce qui t'amène à te remettre en question déjà? Merci, c'est une très belle question, bien-aimé Régis. Et déjà que, bon, moi, depuis le bas âge, j'aimais trop les sons religieux ou quoi. Oui. Oui, j'ai suivi. La musique chrétienne. Oui, la musique chrétienne, j'aimais trop ça. Oui. Et je suivais constamment les chansons. En fait, quand je suis sur YouTube, je tape, je suivais constamment les chansons de la petite Indira. Mais tu là, suivais ces chansons, mais tu étais toujours dans le milieu. Oui, j'étais toujours dans le milieu. Mais j'aimais ça, j'étais toujours dans le milieu. Mais au moment là où il a chanté La plus belle couronne, j'étais toujours dans le milieu. Mais le moment vraiment pour moi, le moment lourd pour moi, là où le Seigneur a envoyé la princesse Indira, là où il a chanté Prions ensemble, il parlait de l'homosexualité, il parlait de lesbiens, il parlait de la conflit entre les chrétiens. Oui. Vraiment, ça. C'est cette chanson qui a amené le déclic, où elle dit homosexuel, 1, 2, 3, le feu. Oui, oui, le Alors, feu. Es-tu prêt à envoyer le faux homosexuel? Moi? Oui. Oui, non, maintenant, je suis Alors, prêt. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais dire 1, 2, 3, et on dit ensemble le feu. Tu es d'accord? Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors, 1, 2, 3, le feu. Feu! Nous avons envoyé le feu aux homosexuels. Oui, c'était donc cette chanson qui a été le déclic. J'ai oublié de te poser une question dans le cadre de la première partie. Oui. Lorsque tu étais dans ce monde d'homosexualité, ta famille, les sœurs, les frères, ils étaient au courant? Non, personne de ma famille était au courant. Bien donc, sûr. Ils sont en train de découvrir par le canal de l'émission Une vie, une expérience. Oui, bien avant de passer sur la scène, j'ai envoyé le message à Marine Gaïa et à Pélagie, mes deux petites sœurs que j'aime beaucoup, que je veux passer pour un témoignage. Mais il faut qu'elles soient fortes parce que quand le Seigneur te fait du bien, oui, il faut le reconnaître en fait. Parce Alléluia. Que si tu ne témoignes pas, le diable va toujours continuer. C'est toujours une porte ouverte. À te traîner dans la boue. Donc, raison pour laquelle j'ai voulu me libérer aujourd'hui. Amen. Oui. Alors, tu as connu l'artiste, tu as connu ta délivrance a commencé lorsque tu as commencé à écouter la chanson Prions ensemble. Prions ensemble. Lorsque tu écoutes cette chanson la première fois, tu étais où? J'étais à la maison, j'écoutais, j'avais mon téléphone Android, j'étais à la maison, j'écoutais la chanson et là, dès que quand il parlait, il a d'abord fini, quand c'est fini, j'ai encore recommencé. Mm-hmm. J'ai suivi ça peut-être 4 fois. Et après, j'ai commencé à avoir des frissons. J'ai ressenti quelque chose en moi. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais là, directement, je suis parti dans ma chambre, puisque j'étais dans un jardin à la maison ou quoi. Oui. Là, j'ai commencé à avoir. La peur, c'est la comme peur, si. La, oui, trauma, la oui. peur. Je suis rentré dans ma chambre, commençais à pleurer tout seul. Et à l'instant, ma petite sœur a toqué. Et je ne voulais pas ouvrir, j'ai ouvert. Il a regardé comment mon visage était. Il m'a demandé ce que j'ai dit. Non, rien, juste J'étais dedans, je dormais. Je le cachais la vérité en fait. Oui. Et jusque-là, c'est aujourd'hui qu'elle découvre, elle découvre aussi la vérité. Mmh. Voilà. C'est aujourd'hui qu'elle découvre la vérité. Donc, tu as suivi la chanson une, deux, trois fois. Ouais, oui. Tu as senti des frissons en toi. Oui. Et puis, la suite, c'était quoi? La suite était. La suite était la libération. Au travers de cette chanson. De cette chanson. Prions ensemble. Prions ensemble. Vraiment, je sacrifiais beaucoup du temps devant le Seigneur pour qu'il inspire encore l'artiste gospel Indira Babouké. Parce qu'elle est en train de faire des merveilles dans le monde entier, je dirais, dans le monde entier. Parce qu'à chaque fois qu'elle chante, il y a toujours des messages intéressants, en fait. Il y a toujours des messages intéressants. Donc, lorsque tu as suivi cette chanson, c'est un miracle pour moi. C'est cette chanson qui t'a apporté la guérison. Qui m'a apporté la guérison. Tu as suivi la chanson, tu as pleuré, tu t'es remis en question. Oui, en question. Et tu as pris la décision, d'arrêter. Mm. Raconte-nous cette étape, ces événements. Déjà, quand j'ai suivi la chanson, le lendemain, puisque c'était à moins de 5 jours de mon anniversaire, et je suis dans le préparatif de mon anniversaire, mm-hmm. puisque mon anniversaire était le 22 du mois passé, mm-hmm. j'étais déjà dans le préparatif et j'avais déjà tout fait. Donc, le jour que j'ai suivi la chanson d'Indira, Prions ensemble, le lendemain, je ne me sentais plus attiré par les hommes, en fait, dont les hommes ne me disent. Guérison instantanée, changement instantané. Oui, oui. Instantané, comme tu le dis, bien-aimé. Parce que je ne me sentais plus attiré par les hommes. Même tous ceux qui venaient te voir, tes copains et tout ça. Tout ça. Les messages. C'était fini. Tout ça, j'avais eu les messages. Juste après avoir écouté la chanson, Prions ensemble. Prions ensemble. Tu vois, Dieu fait des merveilles dans la vie de tout un chacun. Mm-hmm. Donc, rien n'est impossible avec Dieu. Si tu prends la décision, tu le peux. Et jusque-là, j'ai des messages ou quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de venir faire le témoignage. Pourquoi? Parce que quand je dis aux autres que non, moi, je ne suis plus de ce monde, ils ne veulent pas me croire. Ils disent qu'ils sont en train de me plaisanter. Mm-hmm. Donc, j'ai voulu faire le témoignage pour que je vais leur faire le message dès que je sors. Mm-hmm. Je vais leur faire le message un à un le jour pour qu'ils me voient en direct. Mm-hmm. Et comme ça, je crois ils peuvent enfin... Ils peuvent en témoigner concrètement en témoigner. Que tu n'es plus là déjà. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Parce que ma famille attend de moi une femme, ma famille attend de moi, ma mère attend de moi un petit-fils. Et justement, tu nous as parlé de ton anniversaire. Oui. Lorsque tu as pris, après avoir écouté Prions ensemble d'Indira, tu prends la décision de changer. Ça n'a pas été facile, mais le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Oui, était déjà à l'œuvre. Il y a donc eu ton anniversaire. Oui, oui. Et puis pendant cet anniversaire, il y a une histoire passionnante. Oui, oui, oui, justement. Que tu vas partager avec nous. Oui, je veux partager avec vous. Et déjà au quartier, il y avait une jeune fille avec qui on était trop amis. Le jour, elle a profité parce qu'elle a aussi reçu le billet de mon anniversaire. Parce qu'au moment, le jour de mon anniversaire, elle m'a avoué qu'elle-même, alors qu'elle n'avait jamais eu le courage de me le dire. Mm-hmm. C'est au moment que j'ai pris la décision que je ne suis plus du monde homosexualité. C'est le lendemain, elle a avoué que son amour pour toi. Elle m'a avoué son amour. Et j'étais très contente. Bon, les gens, quand je pleurais, au moment que les gens me mettaient le cadeau, les gens que c'était l'émotion. L'émotion. Oui, oui, oui. Au moins, je ressentais vraiment quelque chose. Qu'effectivement, tu as été délivré. Oui. Et la preuve, bien sûr, il y avait les anciens amis homosexuels qui étaient à l'anniversaire, oui, mais ils étaient surpris quand ils m'ont vu danser avec la fille. Et les bisexuels me demandaient que si je ne peux pas leur passer le numéro de la fille. Mm-hmm. Et je les ai dit que non, ça c'est ma copine. Mm-hmm. Et ils ont commencé à se moquer de moi. Ils disent non, et ça tu es en train de plaisanter. Je ne veux pas seulement donner le numéro par méchanceté parce qu'ils ne croient pas en fait. Oui. Alors tu sais que la fornication est un péché. Oui, oui, ça je le sais. La fornication est un péché. Tu as des sentiments pour cette fille aussi? Oui, j'ai vraiment de sentiments et on a déjà des projets. Vous avez des projets? Oui, oui. Est-ce que vous avez mis ces projets entre les mains du Seigneur? Oui, on a déjà mis des projets puisqu'elle vient aussi d'une famille chrétienne et je suis d'une famille chrétienne. Mm-hmm. Donc, on a déjà mis ces projets entre les mains de Dieu. D'accord. Oui. Je t'invite à pratiquer l'abstinence, je t'invite à pratiquer une vie de sanctification. Et je suis convaincu que si tu pratiques cette vie de sanctification et si tu acceptes le Seigneur comme sauveur et sauveur, comme Seigneur et sauveur personnel, il va le faire pour toi. Merci. Ce qu'il a déjà commencé. Alors, s'il y avait un mot de fin que tu peux adresser à tous ceux qui te regardent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais que ma vie entière, c'était un témoignage. Donc, avec Dieu, tout est impossible. Et je n'avais jamais imaginé que je pouvais sortir de... De l'homosexualité. Mais voilà, enfin, le Seigneur, tu sais, le Seigneur touche chacun de nous pour qu'on puisse s'entraider. Donc, à travers la chanson de la princesse, la petite Indira, le Seigneur m'a délivré vraiment de l'homosexualité. Et je dis à tous ceux-là qui me regardent à l'instant que avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible avec Dieu. Si tu veux, avec Dieu, tu le peux. Donc, il suffit de s'abandonner entre les mains de Dieu. Alors, il nous attend toujours les bras ouverts. Merci, frère. Avant d'entrer en gare, il faut rappeler que c'était dans le cadre d'abord de l'émission Pasteur Jeune Question que réalise Jeff Vondo que tu es entré en contact avec la chapelle de la gloire de Christ. Oui. Et c'est ce réalisateur, Jeff Vondo, à qui j'adresse un bonjour chaleureux, que tu as accepté de venir à l'émission Une vie, une expérience. Parce que c'est ce réalisateur qui t'a dit, tiens, ta question, elle sera posée au pasteur dans le cadre de l'émission Pasteur Jeune Question. Oui. Mais aussi, nous avons une émission de témoignage, une émission d'édification qui s'appelle Une vie, une expérience, que le bien-aimé Régis Kodo, que je suis présente. Tu peux passer à cette émission et tu as accepté de venir partager ce témoignage. Oui. Et pour ne pas vous couper la parole et pour ne pas revenir en arrière, bien-aimé Régis, tu sais, le jour que j'ai envoyé, quand le pasteur Crescent Baboque prêchait à la télé, j'ai envoyé mon message. Je lui parlais un peu, j'ai introduit un peu de ma vie, j'ai envoyé le message. Oui. Je n'ai pas eu de réponse. Je me suis senti, et dit non, frustré, que. Ils ne s'en chargent pas des personnes comme moi ou bien ils se sont moqués de moi. Donc, je me suis un peu senti frustré. Jusqu'à le jour où le Saint-Esprit m'a dit encore, non, il y a aussi une autre personne qui peut t'inviter. Jusqu'à le jour que j'ai rencontré le bien-aimé Jeff Vondo qui m'a invité. Et d'ailleurs, je lui dis grand merci pour sa disponibilité et pour sa gentillesse parce que c'est un jeune de cœur aussi. Donc, le Seigneur est merveilleux. Donc, le Seigneur est passé par Jeff Vondo qui t'a répondu, qui t'a répondu avec un grand cœur, qui t'a dit, frère, tu peux venir, tu viens passer à l'émission et partager ton témoignage. Donc, moi aussi, à ta suite, j'adresse un remerciement sincère au bien-aimé Jeff Vondo qui m'a permis de faire ta connaissance, frère. Merci. Et tu es une merveilleuse créature. Tu as l'ADN de Dieu, qu'on ne te trompe pas. Tu es né pour dominer, tu es né pour impacter le Amen. Monde. Je crois que ça sera même d'abord mon premier travail maintenant. D'évangéliste. Oui, d'évangéliste, à gagner les âmes au Seigneur. Amen. Donc, tous ceux-là qui ont encore, que j'ai encore leur numéro, et tous ceux-là qui ont encore mon numéro, je crois que je vais les envoyer les messages un à un. Et je vais les inviter à la chapelle de la gloire du Christ et à venir expérimenter la gloire de Dieu à la chapelle de la gloire du Christ. Et venir aussi témoigner. Si Dieu l'a fait pour moi, comme tu viens de dire, il peut aussi faire pour eux. Donc, c'est vraiment une grâce qu'on ne peut pas... Le mot me manque vraiment. C'est une grâce pour moi. Donc, je les invite aussi à venir faire la même chose que moi. Et je sais que le Seigneur... D'abandonner cette vie. Parce que déjà, ce n'est pas une vie. Je veux dire, ce n'est pas une vie. Donc, la meilleure vie, c'est d'être en Jésus-Christ. Donc, je vous invite, vous tous, mes anciens amis et consorts, de venir faire aussi votre témoignage pour la gloire de Dieu. Et d'abandonner cette vie. Et d'abandonner. Alors, frère Alphonse, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci. Alors, fidèles téléspectateurs de la Gloire Cassonnelle et particulièrement de votre émission Une vie, une expérience, c'est ainsi que nous entrons en gare.